19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Juste la fin du monde. On le dit, la sixième extinction animale est en marche. Pire, la fin de notre civilisation est annoncée. Ce serait pour bientôt, 2040. Déjà, les plus grands assureurs y travaillent, les chercheurs modélisent. Une chose est certaine, l'avenir ne peut être que sombre. Et Paul Valéry l'écrit, nous autres, civilisation, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Par chance, les archéologues sont passés maîtres dans la science de l'effondrement sociétal. Un processus en trois phases. L'émergence, l'apogée, enfin le déclin et la chute, le fameux collapse. Nos brillants chercheurs en trouvent d'ailleurs partout. La civilisation de l'Indus, les dynasties Han et Tang, les Hittites, Sumer, Babylone ou Rome. Si certaines seraient mortes de soif, d'autres meurent de régression, voire d'absorption. L'Amérique tient d'ailleurs le leadership avec la fin tragique Maya, Olmec, Aztèque ou Inca, sans oublier le mystère Anasazi. Mais me direz-vous, qu'en est-il des Ouastèques ? N'en sachant rien, j'ai invité Grégory Pereira, Sophie Marcheguet. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour. Grégory Pereira, vous êtes directeur de recherche au CNRS, tandis que Sophie Marcheguet, vous dirigez un beau musée français, le musée de préhistoire des gorges du Verdon. Revenons quelques instants sur quelques grandes découvertes mexicaines. La première a été faite au cœur de la ville de Mexico, Grégory Pereira. Oui, effectivement, la ville de Mexico, comme vous le savez, était la capitale de l'Empire aztèque. Et donc, dès que les archéologues, les aménageurs font des trous dans le centre-ville, ils trouvent les vestiges de l'ancienne cité de Tenochtitlan. Et donc, récemment, une découverte a été faite d'un monument de l'enceinte sacrée qui est tout à fait emblématique, qui est le Tzompantli, la grande plateforme sur laquelle on exposait les crânes des sacrifiés. Et donc, ce monument était connu à travers les codex et les sources des chroniqueurs, mais on ne le connaissait pas archéologiquement. Or, il a été identifié depuis peu sous un bâtiment d'époque coloniale près de la grande cathédrale de Mexico. Il se présente comment ? Alors, il s'agit d'une plateforme rectangulaire, relativement basse, mais assez allongée, qui se trouvait face au grand temple de Mexico, au Templo Mayor, et sur lesquels ont été trouvés les empreintes, enfin les trous, des grands poteaux qui servaient de soutien aux perches sur lesquelles étaient enfilés les crânes. Et donc, en dehors de cette série de trous de poteaux, évidemment, c'est pas très spectaculaire a priori, mais c'est une découverte malgré tout importante. Ceci dit, deux structures ont été trouvées au moins dans une extrémité de cette plateforme, des structures maçonnées, mais pas n'importe lesquelles, puisque ce sont des murs circulaires maçonnés avec des crânes humains. Donc c'est un élément qu'on ne soupçonnait pas. Et visiblement, les crânes n'étaient pas seulement exposés, mais utilisés pour la maçonnerie de ce bâtiment. Une très belle illustration provient du codex Ramirez, qui est daté de 1587, donc on va dire 2-3 générations après l'existence de ce vrai bâtiment. Oui, il y a plusieurs représentations qui existent dans les codex et des sources plus ou moins réalistes. Effectivement, on voit cette plateforme avec une série de poteaux verticaux qui soutiennent des perches, de grandes perches, dans lesquelles étaient enfilés les crânes qui étaient perforés préalablement. Alors, il faut préciser que c'était bien des crânes et non pas des têtes qui étaient exposées, puisque des études faites par des collègues mexicains ont montré que le crâne avait été soigneusement décharné. Donc, ce qu'on cherchait à exposer, c'était réellement des crânes. La presse évoque souvent la découverte d'anciennes cités mayas cachées dans la jungle du Yucatan. On en trouve tant que ça ? Parce que ça sort tous les jours. Oui, effectivement, tout à fait. On en trouve beaucoup encore, et au-delà de la zone Maya, dans de nombreuses régions du Mexique. Et en partie, c'est en lien avec ce que vous avez évoqué au début, hein, cette question des collapses, ou plus précisément, sans parler de collapse, d'abandon, puisque ces sociétés, à la fin de périodes correspondant à leur apogée, ont souvent non seulement décliné, mais surtout abandonné les lieux dans lesquels ils vivaient. Ce qui fait que nous avons, sous les forêts du Yucatan et d'ailleurs, conservé des cités entières, des paysages archéologiques fossilisés, que les nouvelles technologies comme le LIDAR permettent de retrouver dans leur intégralité. Grégory Pereira, on est un peu sur le mythe de la cité perdue. Tout à fait, oui. C'est un petit peu la raison pour laquelle on met autant d'emphase à cette question des effondrements des civilisations précolombiennes. Hein, en réalité, elles ne se sont pas plus effondrées qu'ailleurs. Simplement, il est vrai qu'il y a toute une série d'idées reçues selon laquelle les Mayas, par exemple, auraient disparu. Or, ils n'ont pas disparu. Ils ont changé de société et ils ont survécu, bien entendu, puisqu'il existe plusieurs millions de Mayas et d'autres, et de Ouastèques également, malgré tous les événements historiques qu'ils ont traversés. Parallèlement, on aurait trouvé du mercure liquide au cœur d'une pyramide de Teotihuacan. Ah oui, oui. Alors effectivement, ça c'est une autre découverte relativement récente sous un des grands monuments de Teotihuacan, donc la pyramide du serpent à plumes, avait été identifiée il y a quelques années par des collègues mexicains l'existence d'un grand tunnel artificiel creusé depuis un côté de la pyramide et qui aboutissait à l'aplomb sous le monument. Donc il y a eu toute une série d'idées sur la fonction de ce tunnel. Hein. Il faut savoir qu'il y en avait déjà un qui avait été découvert, mais qui avait été préalablement pillé sous la pyramide du Soleil, dans le même site. Donc on ne connaissait pas réellement la fonction de ces monuments, de ces structures souterraines. Et là, c'était la première fois qu'une était fouillée de manière scientifique et soigneuse. Et effectivement, un grand nombre d'objets de toutes sortes, dont du mercure liquide, mais également des vestiges d'un grand réservoir souterrain, car en fait, cette grande galerie souterraine était une grotte artificielle, une grotte qui conservait de l'eau sacrée, une source d'eau sacrée. J'ai souvenir que beaucoup de découvertes aussi avaient été faites dans la pyramide de la Lune. Vous étiez venu en parler il y a quelques années, donc avec des individus tués et des animaux extrêmement dangereux. Oui, alors effectivement, il y a les recherches qui avaient été effectuées dans ce monument, le troisième grand monument du site de Teotihuacan, avait livré un grand nombre de dépôts à caractère sacrificiel, dans lesquels on avait sacrifié aussi bien des animaux de toutes sortes, principalement des prédateurs, hein, des jaguars, des loups, des aigles, etc., mais également des humains, et des humains pas n'importe lesquels, puisque souvent on pense que ce sont des guerriers. Donc on a ici une mise en scène de ces offrandes qui étaient réalisées au moment de l'inauguration, de la reconstruction du monument. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Revenons aux Ouastèques, qu'il ne faudrait pas surtout pas confondre avec les Aztèques, Grégory Pereira. Oui, effectivement. Aztèques et Ouastèques, ça se ressemble terriblement. Hein, c'est pas du tout les mêmes mots. En réalité, ceci dit, ont un point commun, c'est-à-dire que c'est les deux noms sont de langue nahuatl, donc la langue des Aztèques, et le mot Ouastèque vient de la désignation que les Aztèques faisaient de leurs voisins de la côte du Golfe. En réalité, on sait que les Ouastèques se prénomment eux-mêmes Tenec, et que ce sont des populations de langue maya. Sophie Marchegué, ça se trouve où la Huasteca, donc le pays des Ouastèques? Le pays des Ouastèques se trouve au nord-est du Mexique, donc on est le long de la plaine côtière du golfe du Mexique, et on a une région qui a un climat tropical, très humide, il fait très chaud, donc avec une végétation luxuriante, mais c'est aussi un territoire qui a aussi une diversité bioclimatique avec donc on a la plaine côtière et puis on a l'arrière-pays qui est plus montagneux. Donc on a aussi une grande diversité géographique de paysages, de climats dans la région, qui aussi a marqué les installations, les sociétés qui se sont installées dans cette région. C'est la ville de Veracruz aujourd'hui à peu près ? C'est au nord de la ville de Veracruz. On est au nord. La Huasteca, en fait, elle s'étend sur 6 états de l'actuelle République mexicaine, mais principalement sur le sud de l'état de Tamaulipas, le nord de l'état de Veracruz, donc on est bien au nord de la ville de Veracruz, et le nord-est de l'état San Luis Potosí, principalement ces 3 états. Et après, il y a une petite partie des états de Hidalgo, Querétaro et Puebla. C'est le pays des calebaciers, c'est bien ça ? C'est ça. Selon, le mot Cuexlan, donc le mot, comme disait Grégory, le mot donné par les Aztèques, signifie le pays des calebaciers, le pays des calebasses hein, que l'on trouve en abondance dans cette région et qui sont les premiers récipients aussi depuis la préhistoire, bien avant de l'apparition de la céramique, mais qui sont toujours utilisés aujourd'hui par les Indiens Huastecs. Grégory Pereira, c'est aussi une langue toujours parlée de nos jours. Oui, tout à fait. Hein. Il y a un grand nombre de locuteurs encore de la langue Huastec, hein, ou Ténèque, comme je vous l'avais dit. Et c'est une langue, effectivement, qui a des racines communes avec les langues mayas, et dont les linguistes pensent qu'elle s'est séparée du tronc commun maya aux alentours de 1000, 2000 avant notre ère. Hein. Donc, se pose donc le problème de l'origine, effectivement, et de l'origine commune des Huastecs et des Mayas. Mayas, Olmèques, Aztèques, les Huastecs ont-ils eux aussi vécu un effondrement, un collapse ? Alors, on peut le dire, oui, alors, c'est plus difficile à aborder cette question dans cette région Huastèque, dans la mesure où on connaît bien les derniers moments de l'histoire Huastec, hein, ce qui précède la conquête, qui effectivement a été un effondrement pour ces sociétés. La réponse est oui. Pour les périodes plus anciennes, pour l'instant, on manque encore d'informations pour savoir si effectivement on a des soupçons, mais pour l'instant, c'est un peu prématuré de le dire, mais effectivement, l'arrivée des Espagnols a coïncidé avec un phénomène d'effondrement et de colonisation de ces régions. Je reviens sur ce que vous disiez. Les Huastecs auraient pu déjà péricliter avant l'arrivée des Espagnols ? Alors, probablement, on a des indices, mais d'un très important développement à la fin de l'époque préclassique, c'est-à-dire au début de notre ère, et puis on a, semble-t-il, un creux à l'époque classique, qui est censé être ailleurs en Mésoamérique une période de florissement important. Or, ça n'a pas l'air d'être le cas dans la Huasteca, donc il est possible qu'à cette période-là, on ait eu un phénomène d'effondrement, mais ça reste évidemment à prouver. Une hypothèse de travail. Une hypothèse de travail, oui. Et après, évidemment, la Huasteca a été conquise par les Aztèques à la fin du 15e siècle, mais ce n'a pas signé l'effondrement de cette civilisation, puisqu'elle était encore vivace au moment de l'arrivée des Espagnols. Cette société, les archéologues en connaissaient la fin. Aujourd'hui, ils remontent peu à peu le temps, peut-être pour en trouver les origines ? Oui, les origines. Donc, on pense, comme le disait Grégory, il y a une origine commune avec les Mayas. Donc on pense, l'archéologie essaie de justement démontrer petit à petit qu'il y a eu vers 2000 ans avant Jésus-Christ, mais même peut-être avant, on peut dire entre 3000 et 2000 ans avant Jésus-Christ, l'arrivée d'une population sur les côtes, donc on est au nord de Veracruz, à la hauteur de la ville de Panuco. Il y a une population qui est arrivée par la mer, donc on a même des textes aussi, donc bien plus tardifs, hein, de l'époque de la conquête espagnole. Ils disent qu'ils sont arrivés par des sortes de bateaux, mais ils sont arrivés par la mer. Cette population, elle s'est installée dans la région de Panuco. Donc là, ce sont les premiers sédentaires, les premiers agriculteurs qui ont fondé les premiers villages. dans une zone extrêmement propice à la sédentarisation, très fertile, avec beaucoup d'eau douce. Pour une raison que l'on ignore, mais il y a une partie de la population qui a émigré vers le sud-est. Et là, ce seraient les ancêtres des Mayas. Donc cette population s'est progressivement déplacée vers le sud-est, donc elle allait fonder plus tard la culture maya. Celle qui est restée allait fonder plus tard ce qu'on appellerait la culture Huastec, les Huastecs. Et entre-temps, parce que c'est quand même un processus qui est long, qui s'étend sur plusieurs siècles, il y a des migrations de populations, avec des populations qui arrivent notamment du centre du Mexique et qui contribuent à séparer les deux populations, les deux groupes d'origine. Mais à l'origine, l'archéologie et la linguistique se rejoignent sur le fait qu'ils ont une origine maya commune. On connaît donc ces mythes de création ? Alors on en connaît certains. Évidemment, ils sont beaucoup plus abondants dans certaines régions que dans d'autres. Et ça, c'est un des problèmes de la Huasteca, qui est une région pour laquelle on a peu de sources directes. Évidemment, grâce à l'ethnographie, on a quand même des informations là-dessus. Mais tous les textes du XVIe siècle sont souvent écrits à partir du Mexique central et donnent un point de vue qui est celui des dominants de l'époque, que sont les Aztèques. Et alors, dans ces mythes, ce qui est intéressant, c'est de remarquer d'une part que ces populations mésoaméricaines considéraient l'histoire comme un phénomène cyclique, dans lequel on retrouve ces oscillations entre l'émergence, l'apogée et l'effondrement d'une civilisation. Donc, les paroles de Valérie auraient pu être dites par un Aztèque. Donc, ça, c'est un élément important à signaler. C'est quelque chose qui était conceptuellement accepté par ces populations-là. Et un deuxième point intéressant, c'est que dans plusieurs des mythes qui sont relatés par les Aztèques, en particulier le mythe qui raconte l'effondrement de la civilisation toltèque, leur prédécesseur prestigieux, les Huastecs auraient joué un rôle non négligeable, et en particulier du fait de leur mauvaise réputation, une réputation de transgresseurs, de personnes qui aiment se balader nues, qui ont des mœurs sexuelles un peu délurées, qui n'hésitent pas à boire, à s'enivrer, et donc toute une série de caractéristiques que les Aztèques considéraient comme totalement transgressives. Et c'est à cause de ces transgressions que on aurait eu une fin tragique de cette civilisation toltèque. Il y a même des déesses qui sont liées justement à ces Huastecs. Alors oui, il y a une sorte de déesse du péché. Exactement, pour en rajouter encore une couche, remettre encore une couche, les Aztèques qui vénéraient une déesse qui s'appelle Tlazolteotl, la déesse du péché et de l'amour charnel, leur attribuait l'origine de cette déesse à la Huasteca. Donc ça, c'était pour ajouter au tableau déjà peu glorieux une nouvelle caractéristique. Ce serait un peu le mythe de la discorde aussi, visiblement. Oui, tout à fait. C'est un peu la justification. C'est trouver un bouc émissaire pour expliquer les problèmes. C'est quelque chose qu'on retrouve à toutes les époques. Est-ce que l'on sait réellement si ces Huastecs étaient réellement dépravés, vivaient nus, etc. Là, il faut se servir de l'archéologie. C'est là où ça devient intéressant, parce qu'on a effectivement ces témoignages peu flatteurs dans les textes, mais en plus, ils sont contradictoires. Donc, l'archéologie, les découvertes du matériel, des objets, montrent qu'on a effectivement des sculptures, en particulier masculines, qui sont totalement nues, et qui sont en fait des représentations de divinités de la fertilité. La fertilité, le culte de la fertilité qui était omniprésent à toutes les époques dans la Huasteca. Ça fait partie de leur religion, c'est au centre de leur rituel. Et donc, on pense que la nudité, en fait, elle était rituelle. Donc, on a effectivement des représentations de divinités masculines, en particulier dévêtues comme cela. Des figurines aussi, mais en fait, il y a une chose très simple qu'il ne faut pas oublier, qui différencie la Huasteca du centre du Mexique, c'est qu'on n'a pas du tout le même climat, on n'a pas du tout la même température. Dans la Huasteca, on est sous les tropiques, si on peut dire. Il fait très chaud, très humide, on n'a pas besoin de vêtements. Très très peu. Donc le vêtement, en fait, il est réduit vraiment au strict minimum. Et le vêtement en tant que parure, le corps en tant que corps décor et tout ça, c'est la peau en fait. Donc les Huastecs ont poussé très très loin. Les déformations du corps et les parures du corps. En fait, pour eux, le vêtement en tant que vraiment décor, c'était la peau. Mais le vêtement pour se protéger du froid, c'était vraiment pas indispensable dans la Huasteca. Et donc, c'était condamné par... Ça choquait beaucoup les Aztèques. Il était comme ça très très dévêtu. Donc il faut différencier cette nudité déjà qui est rituelle. Mais il y avait quand même quelques des vêtements pour chez les Huastecs. Mais ces deux cultures et ces deux modes du vêtement qui étaient très très différents. Il y a aussi une industrie textile qui se développe dans la Huasteca et cette industrie textile très florissante a été payée aussi en tribut aux Aztèques. Notre vision des peuples conquis n'est-elle pas toujours la vision des vainqueurs ? Ça marche absolument très bien. Des Gaulois aux Aztèques ? Oui, tout à fait. Hein. C'est une caractéristique commune des conquérants que de trouver des défauts à ceux qu'ils ont conquis pour mieux justifier leur conquête. C'est vrai. Donc, comme le disait Sophie, il y a une réalité de la nudité chez les Huastecs, de leur soin à parer le corps et à exhiber le corps, qui à l'exhiber paré, c'est sans doute un trait qui a été exagéré par les Aztèques pour mieux montrer leur civilisation par rapport à ces peuples dépastères. En tout cas, ils se déformaient le crâne. Ah oui, alors ça, ils en faisaient comme leur lointain cousin Maya. C'était des spécialistes des modifications corporelles intentionnelles, hein, la déformation crânienne, modification de la forme du crâne opérée sur les têtes des nouveau-nés dès la naissance par des systèmes de coiffes, de tablettes, etc. Et par ailleurs, le limage dentaire, les modifications dentaires intentionnelles, ils modifiaient la forme de leurs dents pour leur donner un aspect acéré, qui est largement souligné dans les sources ethno-historiques, mais que l'on observe directement sur les vestiges osseux qui viennent des fouilles. Pourquoi les l'image des dents. Vous en avez trouvé, par exemple, vous ? Alors, j'en ai observé sur le matériel que j'ai étudié, oui, de cette région-là. La raison est... Esthétique, hein ? Est probablement esthétique, hein, probablement esthétique, mais je soupçonne que ce soit une sorte de rite d'initiation aussi, parce que j'ai pu observer que ces mutilations, ces limages dentaires se faisaient souvent jusqu'à atteindre la chambre pulpaire, ce qui veut dire que c'était extrêmement douloureux, à moins qu'ils aient utilisé des produits pour limiter cette douleur. Mais en tout cas, ça devait être une épreuve physique que de réaliser ces opérations. Donc, il fallait souffrir pour être beau, sans aucun doute. Mais la douleur, c'est une chose qu'on retrouve aussi très fréquemment chez les Mayas. Oui, tout à fait. Oui, c'est-à-dire plus on est haut dans la hiérarchie, plus on doit souffrir. Oui, c'est ça. C'est effectivement une pratique. Plus on est important dans la société, plus on doit montrer qu'on est dévoué envers les dieux et qu'on est prêt à faire des sacrifices non seulement des autres, mais de soi-même pour avoir la faveur des dieux. C'est aussi des tatouages, c'est aussi des scarifications. Oui, on a un beau panel de scarifications, de peintures corporelles que l'on observe sur les figurines, sur les sculptures, sur les vases. Et on observe aussi différents modes de scarification. En général, c'était pratiqué sur les épaules, sur le buste, sur les jambes, sur les cuisses. Donc on a des scarifications qui sont en forme de petites boules en relief. Des incisions dans la peau qui sont en creux et des incisions en relief. Donc là, on observe ce type de scarification. On peut observer sur les populations actuelles en Afrique aussi, pour avoir une idée de ce que, de ce que ça rendait. Et puis, on a la peinture corporelle qui, elle, a une autre signification puisqu'elle est, elle est temporaire. Donc là, elle est plutôt associée à des danses, à des rituels, à un moment précis. Je rappelle que nous évoquons avec Grégory Pereira et Sophie Marcheguet le passé d'une société mexicaine, les Huastecs. Existe-t-il une culture archéologique, une vraie culture Huastèque ? Assurément, oui. En tout cas, pour les siècles qui précèdent la conquête espagnole, on a une identité tout à fait claire de ces sociétés, non seulement à travers de l'empreinte culturelle sur le corps, hein, dont on a parlé tout à l'heure, qui est tout à fait remarquable, mais également à travers leur production matérielle, hein, un art céramique tout à fait sophistiqué avec des canons tout à fait spécifiques de cette région-là. Donc oui, on peut assez facilement les identifier archéologiquement. C'est aussi une statuaire monolithique très intéressante. Alors oui, il y a une statuaire tout à fait remarquable des Huastèques, non seulement pour les périodes, les derniers temps de l'époque précolombienne, avec toute une série de sculptures représentant des divinités principalement, mais à des périodes plus anciennes, et ça c'est une grande nouveauté des recherches actuelles. Sophie Marcheguet, vous présentez quelques pièces majeures donc dans votre exposition. Ces grands pectoraux en coquille, par exemple. Par exemple, oui, des magnifiques exemples de l'art de tailler la coquille et de la graver. C'était vraiment, c'était connu, hein, même à l'époque. On a retrouvé des offrandes de pectoraux gravés au Templo Mayor. Donc c'était des produits de luxe, des biens de prestige que portait l'élite. Et on a souvent, sur l'iconographie de ces pectoraux, on a souvent des représentations de caractère mythologique, mais on a souvent des scènes liées au sacrifice. On a souvent des représentations, comme le montre l'exposition, on a deux très belles pièces qui ont des représentations, une représentation de tête coupée, puisque les Huastèques pratiquaient le sacrifice humain par décapitation, donc ça c'est bien attesté. Donc on a des représentations et comme cela, et on a aussi une scène de capture incroyable. On a une frise de personnages qui sont pris par les cheveux, qui est un geste, un signe de capture. Tout cela gravé très finement dans la coquille. Aujourd'hui, Grégory Pereira, les populations vivant dans cette région ont-elles gardé quelques traditions anciennes issues de cette archéologie ? Oui, tout à fait. Hein. C'est une culture encore très vivante, la culture Huastèque. D'ailleurs, pionnier de l'archéologie de cette région, hein, et en particulier Guy Stré-Serpéan, qui a dirigé la mission archéologique française au Mexique pendant de nombreuses années, et qui était spécialiste de la Huasteca, a largement décrit et retranscrit les traditions de ces descendants des Huastèques préhispaniques. On se revendique de ce lointain passé Huastèque aujourd'hui ? Bien entendu, oui, ça fait partie de l'identité régionale de la Huasteca, et c'est quelque chose qui, ces dernières années, se développe de plus en plus avec l'ouverture de sites archéologiques, comme le site de Tamtoc, par exemple, au public. Merci beaucoup. À voir donc l'exposition Huastèque, peuple méconnu du Mexique précolombien, au musée de préhistoire des Gorges du Verdon. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar à la technique Manuel Couturier avec la contribution de Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbone 14 sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 change de continent et change d'époque.